Ce sont tes bras mon qui t'en ja. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Et non par les armes. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras mon qui t'ont déjà. Il n'y a pas de saison, et là j'ai raison. Le pouvoir se prend par les urnes, et ça je vous l'avais déjà dit. Et non par les armes. Et non par les armes. Que les sales se lavent. En vengeance, l'Afrique a tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique, antidémocratique. Soif de pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir. Que les sales se lavent en famille, mais pas dans le sang. Que les sales